Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi. Nel 1914. À Florence, le réseau social de l'avant-garde s'affole. Mabel Dodge, une Américaine qui réunit dans sa villa toute une communauté d'artistes, a reçu un texte en forme d'uppercut. C'est le manifeste féministe de Mina Loy. Un poème en prose, à la typographie joueuse et aux propos radicalement utopistes. L'homme, qui vit une vie où ses activités se conforment à un code social le protégeant de l'élément féminin, n'est pas masculin. Les femmes, qui s'adaptent à l'évolution théorique de leur siècle en tant qu'impersonnalité relative, ne sont pas davantage féminines. Renoncez à chercher dans l'homme comment découvrir ce que vous n'êtes pas. Cette Mina Loy a déjà fait parler d'elle à Paris, notamment au Salon d'automne. Peintre et poétesse, d'origine londonienne, ayant fait ses études d'art à Munich, elle fascine tout le monde. Créative, cosmopolite et éperdument libre, même mariée avec ce type qu'elle appelle le nain, Stephen Hawes. Mina Loy, c'est The Femme Moderne. Il movimento futurista italiano attira l'attenzione del mondo. Du reste, en Italie, The Place to Be, l'ambiance est à la radicalité avec cette bande de futuristes que Loy fréquente. Marinetti et compagnie ont publié il y a quelques années un violent manifeste. We will destroy the cult of the past. Nous détruirons le culte du passé, the obsession with the ancients and academic formalism. L'obsession pour les anciens et le formalisme académique. We want our country free from the endless number of museums. Nous voulons libérer notre pays des innombrables musées qui le recouvrent comme autant de cimetières. Shit to Florence, Montmartre, and Munich. Pour les futuristes, une locomotive en pleine activité est plus belle que la victoire de Samothrace, le chef-d'œuvre de la sculpture grecque. C'est la rupture avec l'académisme et le conformisme bourgeois qui a l'air d'entraîner ce petit monde vers une nouvelle définition de l'art et de la vie. Si Marinetti et ses amis recherchent l'homme nouveau, dans ce manifeste, Mina Loy dessine, à sa façon, une femme nouvelle. La seule chose que je sais, c'est que les gens me désignent comme féministe à chaque fois que j'exprime des sentiments qui me différencient d'un paillasson ou d'une prostituée. Rebecca West, suffragette. Mais c'est encore plus gonflé que ce mouvement des suffragettes qui réclame depuis une dizaine d'années le droit de vote et l'égalité des sexes. Le mouvement féministe, tel qu'il est constitué à présent, est imparfait. Cessez de placer votre confiance dans la législation économique, les croisades contre le vice et l'éducation égalitaire. Vous glosez à côté de la réalité. Des carrières libérales et commerciales s'ouvrent à vous. Est-ce là tout ce que vous voulez? Et si vous désirez honnêtement atteindre votre niveau sans préjudice, soyez courageuse et reniez d'emblée ce pathétique boniment cri de guerre « La femme est l'égale de l'homme, car elle ne l'est pas ». Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, plus d'un siècle plus tard, c'est que le manifeste de Mina Loy n'incarne pas seulement les aspirations et l'avant-garde de son temps. Elle enjambe littéralement tous les féminismes à venir. Celle qui épousera le poète-boxeur Arthur Cravan se retire après sa disparition. Mais sa pensée fulgurante continue de traverser le siècle. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Bien qu'antérieur, le manifeste de Mina Loy répond à Simone de Beauvoir. Pour elle, l'affranchissement économique est secondaire. Seul compte l'autonomie créatrice, intellectuelle, sensuelle et sexuelle qui doit se faire indépendamment de la lutte des sexes comme lutte des classes. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. C'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi. Et là, je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser sur la manière dont elles vivent. C'est-à-dire, elles sont obligées d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc., etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution proprement dite. Olivier Appert. Ce manifeste est absolument, je trouve, novateur. Traducteur. Et encore aujourd'hui. Amoureux de Mina Loy. Légèrement décalé. Elle dit, par exemple, pourquoi chercher à imiter l'homme, par exemple, dans la quête d'avantages économiques ? Aucun intérêt, puisque là, on serait dans l'imitation de la vanité masculine qui cherche et le pouvoir et l'argent. Elle dit non, il n'y a aucun intérêt là-dessus. L'intérêt, c'est donc la puissance créatrice, la puissance de l'intellect et la résistance nerveuse. Ces influences, je pense qu'elles sont assez minces et je pense qu'elle a une pensée complètement inédite qui surgit d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est elle-même la propre application de sa propre théorie. Et qu'elle a une puissance de création extraordinaire qui fait qu'elle a une puissance de pensée paradoxale qui la fait conjoindre ce qui est considéré généralement comme des paradoxes. Animalité ou cérébralité, sexualité ou pureté, mère ou maîtresse, maman ou putain, aucune représentation binaire ne résiste au manifeste de Mina Loy. Il n'y a pas de but sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La première illusion à abattre dans votre intérêt est la division des femmes en deux classes. La maîtresse et la mère. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute ? Toute femme bien équilibrée et éduquée sait que ce n'est pas vrai. La nature a doté la femme complète de la faculté de s'exprimer elle-même dans toutes ses fonctions. Il n'y a pas de restriction. Elle envisage un monde nouveau et de l'intellect et de la puissance créatrice. Et un monde qui brise les conventions bourgeoises, traditionnelles, le mariage. Elle dit, jusqu'à présent, c'est quoi le sort réservé à la femme ? C'est la prostitution, soit la maternité. Ça implique quoi ? C'est que la femme offre à l'homme sa virginité. Donc, elle dit, voilà ce que je propose, c'est que on procède à la destruction générale de la virginité, puisque la virginité est une marchandise. Mina Loy n'est pas à une radicalité près. Mais surtout, elle laisse une œuvre autonome et intrépide qui invite chacun à inventer son propre modèle. Les mecs, ils sont tellement jaloux, ils peuvent pas piper le fait que la femme met au monde. Ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer.